Donc, rebonsoir à tous. Donc, la suite des débats du jeudi soir, comme d'habitude. Donc, les numéros de code de téléphone, c'est le 0803 08 5000 et 0870 5000. Et pour les Belges, 79 5000. Et bon, toujours 3615, code Fun Radio, rubrique direct pour le Minitel. Donc, on va accueillir Léa, bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Caroline, rebonsoir. Rebonsoir. Vanessa, bonsoir. Bonsoir Gégé. Bonsoir. Lionel, bonsoir. Bonsoir Gérard. Patrick, bonsoir. Bonsoir Gérard. Et Julien, pour finir. Salut Gérard. Salut. Ça va? J'ai pas regardé ce matin, donc... Mais pourquoi tu regardes excusez-moi. Ça y est. Excusez-moi, ouais, monsieur Gérard, c'est la première fois que j'appelle à ce débat et j'aimerais savoir comment ça se passe à peu près. Oui, bon, c'est qui là C'est Patrick. Bon, alors Patrick, je pose des questions et tu réponds aux questions. C'est genre des questions plutôt quoi? Quel genre d'études faut-il faire pour participer à ce débat? Non, mais ça, Faut faire un bac d'allemand C'est plutôt dur comme question. Ouais, voilà. Très bien, bon, je vais faire de mon mieux. J'espère que c'est plutôt basé intellectuel. J'ai Dico à côté, il n'y a pas de problème. De quoi, là? Qui c'est? Elle a un Dico à côté. J'ai pris le Dico parce que il y a des fois c'est trop dur quand tu parles. Attends, qui c'est qui répond comme ça, là? C'est Vanessa. Ouais, Vanessa, tu pourrais changer un peu ta voix, s'il te plaît. Je peux pas faire Gérard, que pensez-vous d'un homme comme Michel Pollack? Ouais, première question du débat. La première question. Vas-y, Gérard, pose ta question. Pourquoi achetez-vous des tatous ou autres appareils? Gérard, d'après toi, honnêtement d'après toi. Bon, alors qui c'est qui parle là? C'est Julien. Ouais, alors Julien, vas-y, je t'écoute. D'après toi, pourquoi on achète un truc comme ça? Pour se faire joindre. Pas pour se foutre dans le cul quand il vibre. D'accord. Ou peut-être le contraire. Monsieur Gérard, excusez-moi. C'est Patrick. Non, mais attends, on dit pas monsieur, on dit Gérard tout court. Si j'ai pu en certain point vous offusquer, loin de moi cette idée. Moi, j'ai acheté un tatou parce que je n'avais pas assez d'argent pour acheter un mixeur. Et j'ai vu que ça cuit pas une cacahuète, cette merde. Ouais, bah d'accord. Faut le dire. C'est bon. En fait, ça vaut rien, quoi. Bon, c'est qui, là, qui parle comme ça? C'est Patrick. Ouais, bah Patrick, dans ces cas-là, tu vas aller faire dodo parce que je pense que t'es hors de la plaque. Vanessa. Oui. Mais alors? Ça vaut rien, le matos japonais. Là, je pense que c'est super. C'est comme ça, personne peut te joindre. C'est toujours plein, donc les messages, tout ça, c'est génial. Libert. Ouais. Ça embête tout le monde, ça bloque, il faut rappeler les gens. Les gens qui veulent t'appeler, ils bouffent plein de thunes à t'appeler dans les cabines ou alors à t'appeler sur les appareils. C'est génial pour avoir. On peut donner le numéro à l'antenne comme ça. D'ailleurs, j'ai un numéro de tatou à donner. Ouais, moi aussi. Je crois que tout le monde le connaît. Ah ouais, moi aussi. Alors, c'est le 06 01. Je sais pas, c'est bloqué. Non. Attends, Patrick, tu peux répéter la jeune. Non, c'est bon. C'est pas Patrick. Tu peux donner le mien, c'est Caroline. Non. Personne donne ce numéro, ok? Si, donne. Le donnez pas, moi je vais chercher un coca, je suis pas là, vous pouvez le donner. Non. Alors c'est le 06. 01. Coupe! Ouais, 06. 82. Gérard, appuie sur tous les boutons. Arrêtez parce que Gérard va poser un ultimatum, il a retiré son. Gérard, remets ton casque. Mais je peux rien faire. Mais c'est de la libre antenne. Gérard, reviens. Non, mais vous amusez pas à donner mon numéro, d'accord? Ouais, donnez pas, le donnez pas. Alors, attention. C'est bon. Je le donnerai pas deux fois. C'est tout, c'est pas ce que j'ai appelé, de toute façon. Excusez-moi, monseigneur Gérard. Monseigneur Gérard, moi je t'emmerde. Y'a pas de monseigneur, ok? Tu vas rester poli, enculé, là. Enculé, moi je t'emmerde. Arrêtez! Relax, c'est bien bas. Arrêtez, c'est vraiment lassant. Je vous balade, je trouve ça d'une... Alors, vulgarité intolérable. 57. Gérard, question suivante. 82. Gérard, question suivante. Gérard, enchaîne. Alors, à quoi cela vous sert? 81. Celui qui vient de terminer. Celle qui vient de parler là, c'est. Qui est-ce qui vient de donner ses mensurations là à l'antenne? Non, c'est pas une mensuration, c'est mon numéro de tatou. Alors dans ce cas-là. J'ai pas compris ça. C'est bon, bonne nuit. Mais c'est bon, on l'a pas donné, Gérard. Bonne nuit. Non, c'est mon numéro. Gérard, ta question, Gégé. Question suivante. Encore. À quoi cela vous sert? Eh bien, ça sert à nos correspondants. Sur PunTV, c'est pas la peine de t'amuser à continuer à le donner. De toute manière, c'est pas le bon. Mais ça sert à rien, les tatous. Bon alors, on y va. Ouais, c'est nul. Bon, Léa, qui c'est? Léa. Ouais, Léa. J'en ai acheté un et c'est complètement un chier, quoi. Mm-hmm. Au départ, mais quand tout le monde voit que ça taxe, et ben plus personne n'appelle, et puis voilà. Mm-hmm. En plus, si t'as pas de copain, c'est pas cool, quoi, on peut pas t'appeler. Bah d'accord. Ouais. Caroline. On a pas notre tribu tout le temps. Hein. Ouais. Caroline. Oui. Pour toi. Ben moi, j'ai perdu ma tribu et ils ont perdu mon numéro, donc ils peuvent pas me contacter, quoi. Mm-hmm. Ah, mais faut aller aux objets trouver. Ouais, c'est ça. Non, bon, Vanessa. Bah, je trouve que ça sert à rien, et t'as tout. Ah bon? Le catch. Tu peux pas voir la personne, tu peux pas lui répondre, rien. Mais ouais, je vois que la même carte que toi, c'est vrai. D'accord. De toute manière, les répondeurs, ça sert aussi à quelque chose. Hein. Ouais, mais le répondeur, faudrait peut-être essayer de pouvoir avoir des cartes pour pouvoir l'interroger. Hein. Les répondeurs, ouais, c'est quand même des grands atouts. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, Gérard, bon, je peux te poser une question? Qui? Lionel. Ouais, vas-y. Toi, ça te sert à quoi ton tatou? Moi, mon tatou. Comment? Qui c'est qui vient de répondre là? À donner les codes des portes. Oui, c'est ça. À donner mon code des portes. 805. Oui, bah, ça c'est des codes personnels que je donne à qui je veux, d'accord? Bah pourquoi je le sais alors? À qui tu le donnes? Gérard, tu te calmes. Hein. Personne ne doit le savoir, mais tu l'as dit l'autre jour sur l'antenne, donc il faut savoir. Attends, qui parle comme ça là? Donnez vos noms là, celle qui vient de me répondre là. Ok. Ok. Alors c'est qui? Ouais, bah c'est Gérard, bon. C'est pas grave, enchaîne. Ouais, bon, enchaîne, t'en elle commence à être lourde, les nanas. Hein. Oh, et on n'a pas de doute, hein, s'il te plaît, pas de généralité. Oh, non, mais vous commencez à être lourde quand vous dites répondez par vos noms quand vous dites des trucs, hein, ok? Alors croyez-vous que pour la prochaine fois, on le fera. Ouais, c'est pas Max, hein, t'es pas sympa. Bon, bah, attends, si ça te plaît pas, c'est le même prix, ma chérie. Hein. Je suis pas ta chérie. Bon, bah alors. Bah, enchaîne, Gérard, enchaîne. Moi, je veux être ta chérie, Jésus. Allez, ouais, Gérard, bah, j'ai pété la suivante question. Alors, croyez-vous que pour votre boulot, c'est utile? Bah, bien sûr que c'est bien utile. Bien sûr, si notre ami. Non, mais répondez. C'est Julien. Non, mais Gérard, t'arrives pas à te faire respecter. Ouais, c'est pas de te faire respecter, Gérard. T'es qu'un ignore, c'est tout. Ouais, toi, tu la fermes, d'accord? Tu vas aller catcher ailleurs. Ouais, bah, toi, déjà, tu fermes ta gueule et après, je verrai. Quelle vulgarité, là. Léa. Permettez-moi de m'offusquer. Moi, je suis étudiante, donc pour mon boulot, ça ne me sert pas. Pourquoi? Bah, si je suis étudiante... Ouais, mais ça pour les étudiantes, la question elle va revenir dans peu de temps aussi. D'accord. Caroline. Okay. Oui, Caroline. Ouais, bon, moi, d'accord, j'en ai pas, mais admettons, tu travailles dans un bureau, si ton patron veut te tatoufier... Oh, tatoufier, quel terme élogieux. Attends, oh là là. De quoi tatoufier? Pour te dire que tu as une... Bah, c'est comme une augmentation, je trouve ça plutôt sympathique. Ouais. Mais bon, si tu as des interlocuteurs qui ne sont pas très sympathiques, ce n'est pas très sympa. D'accord. Okay. Mais autant acheter un portable dans ce cas-là. Non mais attends, mais de toute manière... Ah, non mais acheter un portable, ça revient aussi cher. Hein. Ça coûte encore la peau du cul. Hein. Et surtout, ouais, c'est le cas de le dire. En plus, ça fait pas position portable, vivante. Un portable, stream, quoi, parce que tu te sors avec ton tatou dans la rue, ça fait minable, quoi. Ouais, mais même un portable, je vais dire une chose. Attends, si t'as ton portable, tu peux te la jouer, quoi, en fait. Ouais, mais non. Vaut mieux sortir un portable qu'un tatou. Non, mais Gérard, un portable, ça te servira à rien puisque ça vibre pas. Moi, je suis plutôt tatou. Et qui sur l'antenne, un tatouage. Attendez, qui c'est qui est plutôt tatou, là? Moi, je suis tatou. Qui? Bah Caroline. Caroline, t'es tatou? Bah ouais. Bah moi... tatouage. Et Caroline, est-ce que t'es prête à tout? Oui. Non mais c'est bon. Ça dépend avec qui, non, hein. Non, mais... Tu me rappelles alors. D'accord. Non mais de toute manière, il y a un truc qu'il faut vous dire, qu'à l'heure actuelle, maintenant, les portables vont être interdits sur les plages. Hein. Gérard, quand ils vont inventer les portables Caroline. Vibrants, est-ce que tu vas en acheter un? Bah ils en ont déjà, il y en a déjà des portables vibrants. C'est Caroline. N'oublie pas de lever l'antenne, hein, Gérard, petit cochon. Caroline voudrait parler. Sacré oui, toi. Caroline. Ouais, moi je trouve que bon, les portables, c'est vrai que c'est inadmissible sur la plage. Parce que t'es là en train de bronzer au soleil, t'entends dring, dring, dring. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Dans les restos, c'est bon. Dans les restos aussi, dans les boutiques. Bon, stop, on va enchaîner sur l'autre question. Répondez-vous au... Répondez-vous au message que vous recevez. Bah bien sûr. Mais non. Ça dépend, mais moi, Gérard, j'ai acheté ça un tatou. C'est pas pour ça. Ah, y a... C'est le bagel du coin. Y a Corinne. Il y a Corinne de Marseille, Julie. Il y a Corinne de Marseille qui voudrait qu'on la rappelle, qui voudrait participer au débat. Il n'y a plus de place, Corinne. J'ai plus de ligne. Il n'y a plus de place. Bah, Corinne, désolé. Gérard, c'est quoi que t'as dans le cou, ton tatou? De quoi? De quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais, juste une chose, avant, Vanessa est partie, il est remplacé par Fonzie. Cool. Hey. Bon, c'est bon. Fonzie. Bon, Gérard, est-ce que tu pars en vacances avec ton tatou? Non mais attends, c'est pas toi qui poses des questions, c'est moi déjà, tu as déjà répondu. Attends, tu parles pendant trop temps là. Ça va aller là. Gérard, tu commences pas. Toi non plus, d'accord. Bah alors la question. Ouais, continue. Alors répondez-vous, répondez-vous au message que vous recevez, oui ou non. Léa, ouais, moi j'y réponds souvent parce que moi j'adore ça. Bah t'abouses toi. Pas moi quand. Surtout. Va gueule. On laisse parler Léa. Ça dépend des messages. C'est-à-dire. Bah si c'est par exemple. Des messages d'amour. T'abouses à toi. Non, ça dépend qui l'envoie, en fait. Oh là, oh, vous allez la fermer quand quelqu'un parle ou quoi? Ça perd l'hypopète. Non, tu te fais pas respecter. Voyons, bah ouais. T'as préfet pour GG. Par bah, bloc c'est bon. T'as tout. Bon, ta gueule, toi, derrière. Alors, mais Gérard. Ouais, bon, ça y est, vous laissez parler Léa, s'il vous plaît. Corinne. Corinne, sur Minitel, on peut pas te rappeler, on a plus de ligne. Désolé pour toi. Léa. Ouais. Léa, tu réponds. Mais ça dépend des messages, ça dépend qui l'envoie, voilà. Moi, je réponds pas si c'est un con ou une conne. Je réponds, voilà. Ouais, c'est clair que quand quelqu'un te laisse un numéro de téléphone et signe un con, tu te rappelles plus. Voilà, c'est clair. T'as bien raison. Caroline. Gérard, tu l'as déjà appelé? Attends, Caroline. Caroline. Attends, ouais. Réponds. Caroline. Ouais. Réponds. Bah alors, ouais. Bah elle n'en a pas, elle ne peut pas répondre. Caroline, est-ce que tu rappelles les cons? T'en as pas, bon, c'est bon. Mais Toi, celui qui dit est-ce que tu rappelles les cons, tiens, toi qui as une grande gueule, tu vas répondre. Je rappelle pas les cons, mais ouais. c'est très pratique les tatous, parce que je suis allé en boîte avec. Ouais. Bon, je citerai pas le nom, c'est à Place Blanche. Ouais. Et ah, elle a le comme par hasard, espèce de petit con. Ah non, mais je suis pas un petit con, mais bon, je me baladais comme ça. Ouais, bah, entre le rez-de-chaussée, là, l'étage techno. Ouais. Et tout à coup. Ton tatou s'est mis à sonner. Ah, voilà. Ouais, et, tu et là j'ai su que les toilettes étaient libres. Ouais, c'est ça. Et donc t'as appelé, je suis allé. Ben oui, c'est ça, t'as raison. T'es content? Eh ben ouais. C'est Gérard, il t'a appelé, t'as donné un message. Eh Gérard, j'ai pas parlé de toi. Non, non, mais c'est bon, j'ai compris ce que ça voulait dire. T'inquiète pas. T'inquiète pas, j'ai compris ta réponse. Alors recevez-vous des messages d'insultes ou pas? Oui. Sur le tatou? Ouais, comment t'as toujours pareil. Léa. Oui, Léa. Non. Pourquoi non? Bah j'en reçois pas, c'est pas de ma faute. C'est que les cons qui reçoivent des messages cons. Bah voilà. Ouais, n'est-ce pas Gérard? N'est-ce pas Gérard? Ouais Gérard, est-ce que tu réponds aux messages toi? Je réponds aux messages quand je peux. Qui me dit je t'en envoie plein? Moi je t'en envoie plein moi. Moi je t'en ai déjà envoyé. Et en plus c'est gentil, hein, c'est pas méchant. Attends Léa. Léa. Ouais. Tu dis que t'as envoyé des messages. Ouais. Ok. Gérard, tu reçois quoi comme message d'insulte sur ton tatou? Je te prends. Ouais, un exemple, Gérard. Je te prends, je te retourne. Je t'enchaîne contre les méchants. Tu reçois des messages de Christine des fois? Des messages d'insulte, c'est Christine, quoi. Non. Non, mais Gérard reçoit souvent des messages de Christine, de Carole. Ouais, parce qu'elle regrette en fait ce qu'elles ont fait maintenant qu'elle voit que Gérard est une star. C'est qui Christine? Ouais, parce que moi, je suis pas sûr que devant ses prénoms qui défilent. Alors, Carole. 30 secondes, je voulais juste demander un truc à Gérard. Parce que tu parles des tatouages, etc., où est le tien? Le mien, il est en haut. C'est pas dur, il est dans l'épaule. Bah, j'ai une idée. On a qu'à appeler pour qu'il sonne, comme ça, il va le retrouver. C'est ça, on n'a pas le numéro. Et quand on verra Gérard tortiller, on n'a pas le numéro du tatouage. Alors, attendez, donne le numéro, Gérard. Donne le numéro. 38, 32. 52. Eh ben c'est bien, ben dans ces cas-là. Non, mais écoute, oui, est-ce que tu le numéro? Moi, ça m'est arrivé. Bonne musique. J'ai pas dit, Gérard. Moi, je suis chez moi, je me balade à poil. Vas-y. Eh ben tu fais ce que tu veux, chez toi, tu me balades à poil, j'en ai rien à foutre. On va mettre une musique. Vous fermez vos gueules. Allez, on lâche le numéro. Le 06 57. 57, non, 82, 21, 81, 81, si c'est ça, ça m'a rapporté des millions. Merci eh ben, Gérard, wouhouhou. Eh ben c'est bien, bah dans ce cas-là, mon pote. Eh, hey, petit con. C'est bon, petit con. C'est bon. On est riche. Ta gueule. Déjà une. On emmène Christine en vacances, on prend tout le monde. Eh ben bonne nuit à tous. Numéro, double million. On a le tatou de Gérard. On a le tatou de Gérard. Il y a un tas de Gérard, il faut envoyer des messages. Répétez le numéro. Ça rapporte de l'argent, mon amour. On est parti en vacances. Ouais. 06, 57, Gérard, est-ce que tu vibres? 81, 81, Non, Gérard, je te rappelle que t'es quand même en direct là, parce que Gérard est en train de regarder son tatou qui sonne. Non, mais même. Hein, où il y a des messages écrits qui apparaissent dessus, comme sur tous les tatous. On est riche. Ouais, c'est ça. On se calme 30 secondes. On Gérard, on prend la question numéro 8. Il en a sauté, là, c'est pas possible. Ouais, Gérard, c'est quoi, Julie? Question 8, ça fait beaucoup. Ouais, question 8. Ta gueule à toi. 57. Bon, allez, on parle depuis Gérard. Gérard, vas-y. C'est François, je me balade à toi. Allez, on continue. La question. On y va, c'est parti. Je signale qu'ils attendent la question, la là, question. Gérard. Ouais, non, mais la question, ils attendent la question. Bah, la ils sont en train de chanter. La question, c'est ils ferment leur gueule. Que je pose la question. Arrête. Vous fermez 15, vos gueules. 22. Bon. Alors, que pensez-vous? Papéa. Oh, ta gueule, toi. On y va, laisse tomber. Gérard, t'es grossier quand même. Tu restes poli avec les filles. Pense à nous deux, sur les plages, les cocotiers. Vas-y. Pose la question. Pensez-vous que ceci a une grande importance pour passer le bac comme il y a une étudiante là? Elle peut peut-être répondre. Moi j'ai passé le brevet, on m'en avait prêté un, j'ai eu mon brevet. Ça t'a aidé. Ça t'a aidé? Je ne me rappelais plus de la solution du théorème de Pythagore en fonction de pi est égal à r. Mais arrêtez, vous parlez trop compliqué pour Gérard. Déjà que 2 plus 2 c'est dur pour lui, alors le théorème de Pythagore, faut pas déconner non plus. Non mais déjà, toi tu vas l'affirmer, c'est pas toi que je m'adresse, c'est celle qui parle, elle donne son nom s'il te plaît. C'était Caroline. Ouais, alors Caroline. Mais Gérard, le théorème de Pythagore c'est 3-4. Ta gueule à toi, je t'ai pas parlé. Mais Gérard, tu sais compter au moins? Ta gueule. Jusqu'à 12. Ta gueule. Pourquoi tu parles comme ça, Gérard? Alors, pour l'instant, vous allez affirmer, vous allez laisser parler Caroline, s'il vous plaît. Caroline. Ouais, bah moi, ça m'a servi pour mon brevet. Ouais. Parce que, en fait, je ne savais plus la solution du théorème de Pythagore, point de vue de la racine carrée au cube du théorème de Thalès. Mais dis-moi, Caroline. Attendez, stop. Il y a un message sur Minitel, il y a FIFA qui dit GG dit à Julie de décrocher la Belgique. Dis-le à l'antenne, c'est urgent, merci. C'est d'accord, mais vu que la Belgique sonne pas, j'ai rien à décrocher. Donc, si tu enchaînes ton débat, ça n'a pas de rapport. Le FIFA sur la Belgique, personne sonne. Donc, il est de quelle couleur ton tatou? Ça te regarde pas, donc. Ta couleur au moins. Il est vert. Quelle couleur il est? Il est de quelle couleur ton tatou? Il est vert, Gérard, c'est ça? Non, il est noir. Pourquoi tu veux pas le dire? Il est vert, c'est ça? T'es trop con, Gérard. Ouais, t'es trop con, et ben moi je t'emmerde. Mais non, mais quand même, t'es vert, ta couleur. Alors, allez hop, la 8e elle est posée, on va passer à la 9e. Déjà bah oui. Non, mais attends, il en a sauté combien là? Ouais, je suis tombé, c'est pas ce qu'il dit. Attends, je sais pas ce que je dis, mon pote, si t'es pas content, tu vas te faire foutre. Mais non, mais tranquille, oula. Mais il est complètement en sous alors. C'est ça. On en est à la 9. Vas-y. Recevez-vous des messages d'amour, on va mettre une musique, on va mettre. Est-ce que tu viens pour les vacances quand même? Mais Gérard, c'est de la dope ça. Gérard, mais seul d'informat. Bonne musique. On va mettre quoi? Anaïs et Didier Barbelivien pour changer. C'est marqué, Gérard, t'as qu'à lire. Ouais, attends. Mais c'est marqué. Ouais, je comprends pas ce que tu m'as marqué. C'est Veuran. The Rembrandts, avec Friends. Qui Rembrandts et... Friends. Et le titre. Happy there for you. Ah, ouais, c'est une musique que j'ai... Donc on va accueillir Léa, Caroline, Sandrine. Quoi Sandrine? De nouveau ça Sandrine. Welcome. Trop du cul Gérard. La caramel. Bah elle est là depuis le début. Ouais. Bah ouais, je suis là depuis le début moi. Alors Gérard, tu débloques? Oh. Ouais. Oh bon, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ça y est, vous allez vous calmer? Ouais. Donc je redonne les numéros, donc 0800, 08 5000 et 0803. Ah non mais c'est bon. Moi, mais tu t'es trompé. J'ai un message sur le tatou de Gérard, c'est marqué sale Gérard. Non mais ça j'en ai rien à foutre là-dessus, c'est même pas la peine de t'amuser avec. Non mais je... Donc je redonne les numéros, donc 0800 et 0800 et pour les Belges. 0331 79 5000 Voilà, et 3615 code Radio Rubrique Direct. Alors, voilà. Quelle couleur est l'être, tatou? Noir. Ça te regarde pas. Il est noir, moi. Pourquoi tu peux pas le dire? C'est Guy qui t'empêche de le dire. Culé, va. Enculé. Oh, l'enculé, tu sais ce qu'il dit, il t'emmerde. Il t'emmerde. Ouais. Ok, l'enculé, t'emmerde. C'est Guy qui te l'a donné, ton tatou? Gala, je vais attendre ta réponse, je sais pas ce que tu veux me dire, hein, Gala, donc... À mon avis, elle veut dire free for desire, un open free for desire. Oh, non, c'est pas le terme. J'ai mis un coup sur la question, tu nous fais chier, là. Là. Allez, vas-y, allez, la cinquième, la cinquième question. Allez, la cinquième, là. Recevez-vous des messages d'amour. Oui. Léa. Oui. Oui. De quelle couleur il est, ton tatou? Léa, ouais. Il est noir, je l'ai devant moi, il y a un message de marqué sale, Gérard. Attends, déjà celui qui s'est... Il y a un message. Non mais c'est bon. C'est moi, c'est mon portable qui t'appelle, Gérard. C'est qui l'appelle? Arrête. Comment je fais pour... Non mais moi je fais pas de débat. Comment je fais pour lire? Non mais tu te démerdes. Arrête, Gérard, tu lâches tout. Arrête. Il faudrait peut-être dire le numéro à l'antenne. Quoi, les codes? Les bas de GG. Allez, vas-y, GG. Vas-y, Gérard. Alors, je viens de poser la question. Recevez-vous des messages d'amour? Oui. Je pense que c'est le message d'amour que tu reçois. Mais jamais le mercredi. Le mercredi, j'en reçois jamais. Ouais, le mercredi, t'en reçois jamais. Je m'en bats les cacahuètes, ok? Pourquoi? Mais non, c'est important. Les cacahuètes. Parce que je t'aime le lundi. Je vais passer jamais le mercredi dans un bus. Gérard, tu te calmes? Alors, le 06. Tu te calmes, tu enchaînes ton débat et tu... Non, mais déjà, ils vont la fermer, ils vont répondre à la question. C'est clair, tu n'arrêtes pas de hurler, comment veux-tu qu'ils se calment? Alors tu te calmes et tu reprends ton débat. Bah déjà, ils vont se calmer quand je parle, tu quand je pose la question. Tu reprends ton débat. Je les enlève, tu poses ta question et tu les reprends un par un, ok? On y va. Alors, recevez-vous des messages d'amour? Léa? Oui. Oui, pourquoi? Bah, je sais pas, on m'en envoie, voilà. Et tu réponds? Non. Non, d'accord. C'est un inconnu en ce moment, ça fait 2 mois que ça dure. Mm-hmm. Bon d'accord. Mais jamais le mercredi. C'est GG justement. Putain, on m'entend là ou quoi? Jamais le mercredi. Non, c'est vrai. Bon, je peux parler. Moi ouais, je pense que il y a Christine qui envoie des messages d'amour à Gérard. Non, parce que son tatou, ils sont l'Adidas. Gérard. Ouais. Je peux parler. Bah, rien, t'as entendu, attends. C'est toi. Bon d'accord, ok. Bon, Caroline. Bah moi je peux pas recevoir des messages. Elle en a pas. Non, c'est pas une excuse, Caroline, c'est pas une excuse. Mais est-ce que t'as envie d'en avoir un? Oh là là. De quoi? T'en veux un tatou, Caroline? Ah ouais, je veux bien. Mais de quelle couleur? Noir, pas bleu, violet. Comme Gérard. Ouais. Okay. Est-ce que tu veux le tatou de Gérard marron chiasse? C'est ça. Bah, il est rouge, celui de Gérard. La même couleur. Ah, parce que tu veux dire, Gérard, t'as des hémorroïdes, des dents éclatées, c'est ça? Ouais, bah c'est bien. Toi, quand t'auras fini avec tes petites conneries, tu me feras signe, ok? Ok, Gérard. Bah, je peux pas te faire signe, attends. Il y a pas de caméra chez moi. Ouais, il est électrique ou nucléaire, ton tatou? On me voit là sur Fun TV, regardez. Regardez-moi. Ouais, on te voit. Je me balade à poids ou chez moi. C'est ça. Si tu veux, Gérard, on peut se cotiser pour te faire un cerveau. Hein. Ouais, bah c'est bien, t'as raison. Continue. Hey, Gérard. Oui. Pose une autre question. Tu vois derrière toi, on voit une. C'est qui? C'est ma soeur dans la culotte d'un zouave. Non, mais allez, dis-moi qui c'est qui est à côté de toi. Et lâche la bouteille, Gérard. À côté de moi, il n'y a personne. Mais non, mais derrière toi, sur l'écran Sun TV. Mais derrière lui, c'est un écran bleu. Bon, Gérard, continue ton débat là, parce que c'est Françoise la fille. Ouais, la sixième question. Donc alors, lors des entretiens, votre tatou, lors des entretiens professionnels, est-ce que votre tatou sonne? Je sais pas, j'ai pas de boulot. Non, je le prends pas. Bah attends, et celui qui dit je sais pas, j'ai pas de boulot, bah dans ce cas-là, mon pote, tu te démerdes pour en trouver. Mais j'ai pas de tatou, j'ai pas de boulot. Il en cherche, hein. Mais attends, il en cherche. Et qu'est-ce que t'en sais? Je cherche un tatou avant. Hein. Et toi, tu parles, mais est-ce que t'as un boulot? Ouais. Qui? Mais il a un tatou. Qui? T'as un tatou, Gérard? Non, mais attends, qui c'est qui vient de poser la question bête et méchante, là? C'est un mec. Ouais, bah, donne ton nom, le... Ouais, lâche ton nom, ouais. Mais on ouais, lâche ton nom. Gérard, il veut pas lâcher son nom. Ouais, bah, c'est Julien. Ouais, alors? T'en as un de boulot, toi? Ouais, pourquoi, ça te gêne? Bah ouais, parce que j'en ai pas. Ah bah, si t'en as pas, tu fais comme moi, hein. Gérard, pas de boulot, Gérard, il s'est manipulé, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Eh, si t'as un boulot, c'est parce que t'as un tatou? Gérard, il a une sécurité. Tu parles, les gars, avec les 20 balles par mois qu'il gagne. De quoi? Non, rien. Eh, de quelle couleur il est, ton boulot? Il est rose. Pauvre petit con. Il est rose. Je sais pas ce que t'as, Julien, mais t'as... Je vais te dire une chose, pour moi, t'es vraiment con. Hein. C'est pas moi qui t'ai parlé, Gérard, là. Non, mais même. Et Gérard, tu me rendras ma gomme hein, et mes crayons. Gérard, on est tous des cons, et toi le premier. Je suis sûr que t'as un tatou en location, toi. Ouais, ben, je vais te dire une chose, tu sais ce qu'il te dit, le con? Avec un con comme moi, on s'amuse, avec un con comme toi, on se fait chier. Ok. Ok. Voilà. Non, ça fait rire. Alors maintenant, Léa. Eh ben. Ouais. Lors d'un entretien professionnel, est-ce que ton tatou sonne? Non. Mais pourquoi? Bah, je sais rien. Je me demande des fois. Eh, ouais. Vous êtes un petit peu bêtes, les gars. Lors d'un truc professionnel, on l'éteint son tatou. Oui, tout à fait. Ah, c'était une question. Mais Gérard, lui, quand il travaille, il l'éteint pas. Pourquoi tu l'éteins pas? C'est pas professionnel. Et toi? Non, il est éteint, non, mais il est éteint, amateur. Et toi? Ouais, parce que quand tu suces, bon, ça vibre, et pas après. J'ai placé Catherine. Ouais, je vais te dire une chose, quand t'auras fini de t'amuser avec l'histoire de Tsuse ou autre, tu me feras signe, ok? Bah, il est malade à poil. Maintenant. Je continue, tu peux dire ce que tu veux. La dernière question. Oh non, c'est l'avant-dernière. La dernière. Après, c'est pas possible. La non. Dernière question, parce que après, je vais. Tu vas aller au cours. Non. Que... La dernière question. Est-ce que votre tatou sonne quand vous prenez une douche? Ah non, faut continuer là. Ça va pas s'arrêter. Vous foutez-vous votre tatou dans le cul? Eh, ça te répond, hein. Eh, fous-toi. Eh, est-ce que tu te fous ton tatou dans ta bouche quand tu manges? Non, mais toi, tu te fous dans le cul. Ouais, mais ça dépend. Alors là, je vais dire, mais ça remonte à longtemps. Non? T'as raison. Bah, il le faisait déjà avant toi. Alors, lors d'un contrôle de police, est-ce qu'il sonne souvent? Alors, c'est quoi cette fameuse histoire? Raconte. Non, mais je vais vous prendre chacun votre tour, vous allez répondre. Non, mais toi, Non, Caroline. Léa. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que t'en as pas. Mais si, j'en ai un. Ouais, mais quand on te demande tes papiers, ton tatou, est-ce qu'il sonne ou pas? Bah non. On n'est pas tous comme toi, hein, on se fait pas contrôler toutes les 5 minutes par des flics. Non, ouais, d'abord. Ouais, ben là, on n'a pas tous une gueule de con, hein, s'il te plaît. Gérard, t'as un attentat à la pudeur à lui tout seul. Histoire, hein. Attends. Et celui qui dit que j'ai pas une gueule de con, tu sais ce qu'il te dit, la gueule de con, à ta merde. T'as une gueule de con, hein, Gérard. Je suis désolé, mais t'as vraiment une gueule de con, Gérard. Eh ben, dans ce cas-là, si j'ai une gueule de con. Malgré que t'as un corps de boys band. Ouais, d'accord, continue. Et je te préviens, il est 1h46, de toute manière, c'est la fin après. Mais non. Gérard, c'est un flash au mur, ça. Les flics, ils repèrent à l'odeur. T'es pas au courant, il y a eu des changements. De quoi? Ça continue jusqu'à 3h cette fois-ci. Non, ça s'arrête à 2h du matin. Ouais, j'ai une question. Ça s'arrête à 2h. Bah, il est 1h. Il est 1h47 et ça s'arrête à 2h du matin. Ouais, je voulais témoigner là pour l'histoire de. Ouais. Bah, j'étais dans ma voiture. Ouais. C'était une voiture volée. Hein. Mm-hmm. Et puis il y avait des carabines derrière. Mm-hmm. Et puis j'avais une seringue au bras. Et puis j'étais en train de semer un pétard. Et merde, qu'est-ce qui se passe? Je me fais arrêter par les gendarmes et mon tatou il sonne. Ils m'ont grillé, c'est con. Oh là là. C'est bête ça. D'accord. Et voilà. Caroline. Parce que mon tatou a sonné. Elle en a pas. Non, mais attends, on m'en avait pris. Non, mais tu te rends compte, Gérard? Attendez, faudrait peut-être vous mettre d'accord. Léa, t'en as pas, Caroline, moi, t'en as pas. Moi, j'en ai, mais. Tu peux te dire, t'en as un. Sur les questions même. Hein. Mais Gérard, écoute-moi, c'est Caroline. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'on m'en avait prêté un au moment du brevet. Ok? Ouais. Bon. Et ce jour-là, j'étais dans ma ville et tout ça. Et je croise un agent de police. Mm-hmm. Il m'a demandé mes papiers, tout ça, parce que j'étais mal habillée, j'avais un piercing et j'avais les cheveux rouges. Mmh. Et ils m'ont demandé. Oui, là, t'étais mal habillée. Mon tatou a sonné, c'était marqué ta coque est prête, viens la chercher. Et du coup, j'ai passé la nuit au poste. Ah ben. Gérard, je voudrais savoir si ton tatou a sonné quand t'as passé ton CAP routier. Mon CAP routier, de toute manière, j'ai pas passé mon CAP routier, d'accord. Menteur. Quand tu l'as acheté, salaud. Salaud, tu sais. Je vais dire une chose, tu sais ce qu'il te dit, le salaud. Ouais, je veux pas le savoir. 80. 82. 21. 81. Et voilà les questions, même le numéro de tatou du con du village. Pouf, bande de cons. Gérard, non mais on parle pas de toi, abruti. Non, mais vous êtes vraiment des cons là. Bah, les gens, là. Ah merci Gérard. Non, c'est un compliment de nous. C'est des mais ça va casser quoi. Non mais de manière. Ouais, vous croyez que je. Ta gueule toi. Comment tu me parles? Gérard, comment tu parles? J'ai halluciné, comment il est? Gérard, comment tu parles? Et alors, c'est tu parles comme ça, ton tatou? Gérard, non, je suis pas ton tatou, moi. Mais alors, dans ce cas-là, tu la fermes. Mais non, tu la fermes sur quoi? Ok. Où tu? Déjà, tu as déjà pas recommencé à répondre. Déjà, tu vas pas recommencer? Je vais faire casser la gueule. Ta gueule! Bon, allez, c'est bon, bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. La conclusion. La conclusion, vous la faites. Léa. Ta gueule, Gérard. Les tatous, 24 sur 24, il fait la gueule. Je vends mon tatou. C'est bien. Combien? J'en sais rien, en fait. Faut que je tu le vends à qui? Ah bah justement, Caroline, elle en a pas, donc Caroline, ça t'intéresse? Bah, Gérard, est-ce que tu voudrais avoir deux tatous pour avoir des émotions encore plus vibrantes? Gérard, elle pose toujours les mêmes questions et toujours au mec qui a des tatous. Ah, dans chaque main? Non, pas dans la main, t'as pas compris. Bon, Gérard, la conclusion, allez. Allez, dépêche-toi, trou de balle. Ta gueule, toi, va te faire foutre. Eh oh, tu parles autrement à tes auditeurs, hein, Gérard. Mais attends, c'est pas si professionnel. Ouais, bah, attends, si t'es pareil. Pas du tout. Tu n'es qu'un imbécile, Gérard. Désolé, eh. Sur Fun TV, tu n'es pas beau quand tu t'énerves. Ouais, ben, y a je vais dire. Oh, ma chérie, c'est pas quand tu t'énerves. Ma chérie, c'est. Je ne vais pas payer 90 francs par mois pour voir une gueule d'un bagel qui s'énerve toutes les 5 minutes à l'antenne pour dire que des conneries. Non, mais attends, c'est pas sympa pour lui. Non, mais attends, Léa. Ouais. Léa, c'est ton problème, hein, ouais. Ma chérie. Si tu payes 90 francs par mois, c'est pas moi qui t'ai demandé. Eh bah, ben, Léa, c'est Séverine. Eh bah, ben, c'est pas. Séverine, maintenant. C'est nouveau, ça. C'est nouveau, celle-là, encore. Bon, allez. Allez, Léa. Léa, la conclusion. Non, mais Caroline, tu peux venir chez moi, c'est gratuit, je me balade tout nu. Donc, allez, je cours à poil. On fait la conclusion, on la ferme. On la ferme toi-même, gros con. Ouais, va te faire enculer, toi, connard. On l'avait chacun son tour, la conclusion. Alors, Léa, ta conclusion. J'ai déjà dit ma conclusion. Alors, Caroline. Léa, tu nous fais chier. Eh ben, c'est bien, toi. La conclusion, toi, ma chérie, je t'emmerde. Je suis pas ta chérie, t'as compris. Puis de manière que. Non. Elle commence à parler comme toi. Caroline, ta conclusion. J'en ai pas, j'ai pas de tatou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben, alors, pourquoi que t'appelles? Ta seule. Tatou. Mais c'est bien, Olivier. Allô, c'est bien. Allô, Léa. Il y a pas ta conclusion. Il y a pas la ferme. La conclusion. Il n'y a pas de Sylvain, continue. Gérard est un con. Il va tout casser. Dans ce cas-là, la conclusion. Le tatou de GG. Le tatou de GG. Bon, toi, tu la fermes, Léa. Il se fout dans le cul. Et Léa. Et Léa. Léa. Jusqu'aux amis. Et lui, on sort par les trous de nez. Mais Gérard, est-ce que tu. Ça commence à. C'est pas beau ce qu'il fait à l'entrée. Gérard. Oh, vous êtes lourd. Gérard, tu amènes ton tatou en vacances. Wow. On fait la conclusion alors. Gérard. Léa et Caroline ont déjà conclu. Tu continues avec les garçons. Ouais, ben. Allez, mangue ton cul. Chacun son tour. Maintenant, celui qui vient de dire mangue ton cul, tu vas répondre tout de suite, toi. Voilà. Alors il n'y a plus personne là. Hein. Julien. Tu t'accouches ou quoi là? Vas-y, Julien. Ta gueule, moi je t'emmerde, tu fais la conclusion. Ouais, la conclusion, c'est qu'un tatou, c'est très utile. Ouais. C'est vachement chouette. Mmh. C'est extra fou. Ouais. C'est super, quoi. Ok. Ok, ça te va? Ouais, c'est bon, on va prendre. Patrick. Oui, moi, ma conclusion sur le débat sur le tatou, c'est que j'ai pas de tatou, et sur les vacances, c'est que je travaille. Okay. Donc, comme ça, c'est clair. D'accord. Lionel? Moi, j'ai acheté un tatou simplement pour embêter Gérard. C'est bien. Et qui c'est qui nous restait? Fonzie, là. C'est le tatou que je préfère en toi. C'est bien. Moi, je vais vous dire une chose que. Et ton poème? Non, il n'y a pas de poème sur les tatous. Il n'y a pas de poème? Donc maintenant, s'ils sont encore là, si on pouvait les reprendre les uns derrière les autres et qu'ils me posent. Ah non, ils sont plus là. Moi, je suis encore là. Donc, il n'y a pas de poème? Attends, mais tout le monde va être vachement déçu. Non. Moi je m'en fous de manière zone, je le vire demain. Alors t'arrêtes un peu avec ça. 81. Gérard, un gros PD. Gros PD. Manière, c'est rien que des enculés qui disent ça. 82, 21, 80. Ouais, c'est bien, continuez comme ça, tu m'intéresses. Alors maintenant, je vais poser Léa. Je te demande, pour finir en attendant, est-ce que t'as deux questions à me poser sur moi? Moi j'en ai plein, Gérard. T'as vu privé? Moi j'en ai deux, Gérard. C'est pas non, ta gueule pas. Les chums, vous fermez vos gueules un peu. Ouais, moi j'en ai. Que s'est-il passé exactement avec Carole? Qui pose cette question? Léa. Alors Léa, je vais te répondre tout de suite avec Carole. comme tu veux en savoir ce qui s'est passé. Ouais. Ah, c'est que Carole a eu soi-disant un accident de voiture. Ouais. Finalement, elle a eu une érection, tu t'es appelé. Ta gueule à toi. Mec. Toi, tu as la fermée déjà. Attends, ce non, pas... c'est triste. Dépêche-toi, bon, Gérard, tu vas la mettre, Carole, il s'appelle Gérard. Vas-y, vite. Dépêche-toi, j'ai pipi. Ça répond. Fais-toi respecter un peu, Gérard. Bon, Gérard, lâche la bouteille et parle. Bah, GG. Donc, enlève la bouteille de whisky là. Alors, Léa, l'histoire de Carole, c'est que soi-disant qu'elle aurait eu un accident de voiture et qu'elle serait hospitalisée et qu'elle aurait eu pas mal de problèmes. Et je me suis renseigné. Donc, apparemment, ça serait faux. Elle n'aurait rien eu. Donc, c'est une mythomane. Voilà. En fait, alors, elle a deuxième question. Oui. Est-ce que c'est vrai que dans les chiottes de la loco, il se passe certaines choses avec toi? Non, c'est faux. Là, je peux te dire ça. Il faut une preuve. C'est tout à fait faux. Carole, elle a fait semblant d'avoir un accident parce que quand elle a vu ta gueule, elle s'est dit... Non. De toute manière, elle a jamais répondu à mon courrier. Olivier, tu m'arrêtes ça, s'il te plaît, maintenant. Oui. Gérard, tu continues, s'il te plaît. Ah, t'as tu l'entends, une dernière question? Ben, je t'ai répondu, Léa. Donc, si tu veux en savoir plus un peu sur moi, ben, t'attends un petit peu, je te rappelle. Ah ouais. Ou autre. Ok. Ou Julie me dira tout, Olivier. Non, mais si tu veux me parler, tu laisses ton numéro et je te rappelle après. Okay. Donc, Caroline, pardon. Moi, je voudrais savoir si tu as vraiment fait l'amour et est-ce que tu as fait un enfant à Françoise? Non. Parce que. Oh, il va pas être joli. Hein. Alors, je vais non, dire. Mais déjà, quand je vois sa gueule sur Fun TV et celle de Françoise, quoi, je me demande, mais qu'est-ce que c'est là, quoi? Ouais, bah d'accord, bah alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fout là si t'es pas contente, ma cocotte? Dans ce cas-là, tu changes de radio et tu non rends... Est-ce que tu seras sur Europe 1, donc tu seras un petit peu partout. Attendez, ouais, ben tu la fermes. Est-ce que Gérard pourrait nous rappeler combien d'auditeurs il y a tous les jeudis déjà qui t'écoutent? Ouais, pour conclure un peu. Ouais, 12 milliards. Pour conclure. Alors 12 milliards. Christine et Françoise. Il y en a que deux. Moi, c'est Fun TV. Pour conclure les statistiques... Alors, il y a 12 milliards, 764 millions, 956 auditeurs. On en a gagné depuis entre 1h et 3h du c'est matin. Bien, ça. Voilà. Il y a 12 milliards en France. Il y a donc, plus de la terre entière qui nous écoute tous les jeudis soir. Ma deuxième question. Oui, c'est qui? C'est Caroline. Oui, Caroline, j'écoute. Attends, je vais en trouver une. Pas dépêche-toi. Non, mais dépêche-toi. Est-ce que tu as fait l'amour avec Angélique? Faux. C'est faux. Bon, attends, c'est pas au Kim que je m'adresse, d'accord? Non, mais c'est faux, j'ai deviné tout de suite. Non, mais de toute manière, c'est pas à toi que je m'adresse. Je sais pas pourquoi, j'ai une intuition comme ça, j'ai été touché par la grâce. Ben, d'accord, et ben voilà. Donc, c'est faux. Donc, ben voilà, donc, ben maintenant, je vous donne rendez-vous à la rentrée. Et moi, Séverine? Ah, merde. Ah, ben, non, mais attendez, il n'y a pas de Séverine, hein, normalement. Merde. Non, il n'y a pas de Séverine. Bah, je dois bien revenir avant, Gérard. Il y a une Séverine? Bah oui. Bon, ben alors, Séverine, vas-y, je t'écoute. Ouais, je voudrais savoir, est-ce que ça t'a fait du bien quand t'as fait l'amour avec Arnett et Louis? Là, je vais te dire une chose que je suis pas du tout de branché, mec. Bon, ouais, c'est bon, Olivier, s'il te plaît, quand on me pose des questions. Mais merde, ça nous emmerde, ça. Homme et homme, non. Tu réponds aux questions. Donc, Séverine, je te dis tout de suite, je préfère être branché côté nana que mec, ok? Prouve-le. Prouve-le. Bah déjà, parce que d'abord, ce qu'on entend à la loco, ça doit être quelque chose. Hein. Bah non, mais déjà, à la loco, de toute manière, quand vous aurez fini vos conneries. Bon, ça y est. Mais je suis pas rien. Non, mais c'est bon. Il y a un sur j'arrive pas à tout, là, je sais pas quoi. Bon, donne-moi ça. J'arrive pas à Donne-moi ça. Il y a un numéro dessus. On t'a envoyé un numéro, Gérard. Non, mais ça, j'en ai rien à foutre. J'ai une idée, on va pas le garder son numéro dans la ville. Gérard. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Hein bon, Gérard, les gens ils écoutent à la radio, ils voient pas ce que tu fais, c'est ton tatou, donc voilà. Tu enchaînes tes questions. Il a éteint son tatou. Voilà, comme ça il est éteint, comme ça je serai plus emmerdé. Donc bon, Séverine. Non, mais toi tu la fermes pour l'instant. Il a eu un accident de voiture. Séverine. Oui. Ta deuxième question. Est-ce que t'as envie de faire la moi Julie? Alors là, je oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, tu peux le dire, tu peux le dire, oui. Non, mais ça, Mens pas. Non, mais attendez. Ah, oh. C'est ton fantasme. Avec quoi tu veux qu'il fasse ça? Avec Julie, de toute manière, il n'y a rien eu, Julie. À peut-être quelqu'un, on n'en sait rien, ça c'est pas mon problème, c'est pas moi qui irai l'embêter là-dessus. Comme tout le monde. De quoi sur mon t-shirt, tu as marqué quoi? C'est marqué Julie, je t'aime, je vais faire l'amour avec toi. Ah bon? Depuis quand? Bah, c'est marqué, hein. Ah ouais, c'est marqué où? Sur si t'as Fun TV. Où? Dans le dos. Ah, dans le dos, c'est marqué Fun Radio. T'as raison, toi, t'as moitié starbé, ma chérie. Ouais, de toute façon, il sait pas lire, alors. Non, tiens, allez. Allez, on va terminer. On va terminer avec deux chansons, donc je vous souhaite... Donc je vous souhaite de bonnes vacances pour le mois d'août. Pour ceux qui partent, je te dis. Donc, bonnes vacances pour ceux qui travaillent. Merci. Adieu. Gérard, moi je te souhaite de bonnes vacances. Ouais, on va mettre une. Ouais, bonnes vacances, Gérard. Mais une chanson, tu choisis entre les deux. Choisis laquelle ? La première, on va finir sur la deuxième et puis donc je vous souhaite laquelle on va partir avec quitter l'autoroute comme ça ça fait comme il y en a beaucoup qui sont sur la route prudence mais c'est nul comme chanson bon, bah moi sur la route j'ai surtout peur de croiser Gérard. Donc c'est nul, mais quitter l'autoroute. Je sais pas, moi, Nirvana, et puis voilà. Mais non, mais il n'y aura pas de Nirvana. Ah, donc, ça sera Gérard, quitter l'autoroute. On va passer quitter l'autoroute en hommage à Carole. Non, ça sera quitter l'autoroute voilà. Pour tous ceux qui partent en vacances. Et voilà. Bah, c'est Carole, puisqu'elle a eu son accident quand même. Hein. Mais non, elle n'a pas eu l'accident. Donc, hommage à Carole. La gueule de Gérard, elle s'est sauvée, elle lui a fait partir, en fait. Là, on va s'arrêter, et puis je tenais juste à dire qu'on retrouvera donc Gérard à la rentrée avec ses débats, et qui, j'espère, aura à chaque fin de débat un poème comme c'était prévu. En tout cas, vous nous avez bien fait une fois de plus ce soir au débat. Et je sais que Caroline, c'est ton vrai prénom, non? C'est quoi ton vrai prénom? Elle est pas là? Caroline, non, elle est pas là, elle est partie. Caroline, elle est là? Elle est partie. Donc elle a regardé Fun TV, beaucoup de gens ont regardé, on s'est bien poilé. Elle s'est bien amusée au téléphone de côté pour toi. Non, mais c'est juste pour dire qu'elle avait Fun TV et que apparemment elle s'est bien régalée et qu'on s'est bien amusé de notre côté. Pour 90 balles, si c'est pour dire qu'elle a une gueule de con, bah. Ceci dit, t'as pas une gueule de rêve non plus, hein. On peut pas non plus. Julie, Léa, elle est toujours là ou pas? Oui, elle va te la passer hors antenne. Bon, en tout cas, on te retrouve à partir de la semaine du 4. Septembre? Bah oui. Ah non, avant, mois d'août, dans la semaine du 18 août. Hein? Bah oui, moi je reviens le 18. Ah non, mais attends, On verra ça en antenne. En tous les cas, nous, on est à l'antenne à partir du 18. On est là demain, de toute façon, 22h. Et pour conclure, donc, comme nous l'a dit Gérard. Quittez l'autoroute pour ceux qui partent en vacances et prudence sur les routes. Et revenez-nous en forme à la rentrée. Voilà. Enfin, il y a demain encore l'antenne, hein, puis il y a la loco, puis il y a plein de choses. Hein. Et demain, n'oubliez pas pour la dernière de Lorenzo qui part en vacances, je crois, je sais plus où, là, qu'il a dit. Malheureusement, au Bahamas. Au Bahamas. C'est dur.